Le Chat Noir Productions vous présente de Laurent Garnier et David Brin-Lambert aux éditions Flammarion. Électrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Électrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brin-Lambert narrant toute l'histoire de la techno-music racontée et vécue par Laurent Garnier des années 80 jusqu'aux années 2000. La lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music. Dans cette deuxième émission, je cloue le premier chapitre du livre en vous racontant comment Laurent met les pieds dans le plat à l'Hacienda, en plein boom house made in Chicago, et comment il reçoit sur la tronche, comme des millions de clubbers anglais, la déferlante nommée Acid House. Début 87, la house music fit lentement irruption à Manchester. Native de Chicago, elle est le prolongement du disco et du funk, mais avec un son plus dur et sans structure logique, dans les premières années de sa conception tout du moins. Alors que le disco proposait de longues versions de chansons, construites sur le mode couplet-refrain, couplet-refrain long break, et enfin couplet-refrain, la house était majoritairement instrumentale, épurée de tous les ornements disco, envolée de violon et de chœur. Seule la pulsation rythmique avait été conservée. Dans les premières productions house signées Marshall Jefferson, Farley Jack Master Funk ou Larry Heard en 1985, un gimmick vocal, voire des paroles de chansons reprenant les thèmes chers au disco, l'amour, la danse et le sexe, était utilisé. Puis les vocaux perdirent leur sens, apparaissant comme une succession saccadée et syncopée d'échantillons de voix. C'est là une spécificité de la house de Chicago. La voix est utilisée comme un instrument. Elle est répétée, éditée. Un courant porn, encore plus rêche, émergeant des ghettos de la ville, apparu, débitant de longues litanies d'insanité porno. À Chicago, la house music n'était qu'un courant minoritaire, représenté par un club gay à forte fréquentation black, le Warehouse, temple du DJ et producteur Frankie Knuckles. Après avoir, dans ses premières années, trouvé refuge sur les stations locales de Chicago, la house n'avait plus été diffusée que sur des radios black indépendantes locales. Ajoutons à cela une distribution inexistante, des labels gérés comme des entreprises familiales, mais sans structure pour diffuser cette musique, des artistes amenés à faire des petits boulots pour survivre et qui pour la plupart composaient et produisaient sans espérer autre chose que d'être joués une nuit tard au warehouse. Toutes les conditions étaient réunies pour que la house ne sorte jamais des ghettos blacks de Chicago et que le vieux continent continue à dodeliner de la tête sous les assauts des guitares rock. On raconte que quelques disques siglés de noms de labels prestigieux tels que Trax ou DJ International avaient circulé vers l'Angleterre et que 3-4 DJ mancuniens avaient décidé de faire le voyage à Chicago. Là, Mike Pickering avait été invité à se produire au Milk Bar, club situé dans les quartiers nord de la ville. Pickering avait joué une programmation exclusivement house, face à un public à large dominante blanche. Les danseurs accoutumés à écouter des productions pop synthétiques anglaises étaient venus le voir en disant « C'est quoi la musique que tu joues? C'est terrible !» Et Mike de répondre « Mais ça vient d'ici !» Le public blanc de Chicago n'avait jamais jusqu'ici eu vent de cette musique produite et diffusée dans la confidentialité des quartiers populaires du sud de la ville où vivait la communauté noire. Gonna set À Manchester comme à Chicago, la house music fut d'abord adoptée par la communauté noire. Pendant plusieurs mois, seule la soirée Nude Night de Mike Pickering diffusait de la house de Chicago. La Hacienda réservait le jour du poisson à une clientèle bien particulière, majoritairement anglo-jamaïcaine, qui venait se défier en dansant le jacking, une danse qu'on jurerait dérivée du Charleston. Pour jacker, il fallait garder les pieds au sol, tout en les faisant patiner de l'extérieur vers l'intérieur, les jambes se croisant dans un ample mouvement du bassin. Et le jacking, c'était sérieux. Les danseurs venaient sur la piste prouver qu'ils le maîtrisaient, et conformément aux règles utilisées pour la danse hip-hop, ceux qui n'assuraient pas se faisaient immédiatement éjecter du cercle des danseurs. Le premier véritable événement que la Hacienda dédia à la house fut en automne 87, une soirée consacrée au label Trax de Chicago, bastion célèbre pour avoir accueilli certaines des plus belles plages de la house américaine dans la seconde moitié des années 80, et qui plus tard, en ne reversant pas à leur auteur les royalties engrangées en Europe, contribua à tuer la scène. Face à un parterre largement constitué d'une clientèle descendue des ghettos pour l'occasion, quatre glorieux noms de Chicago, Adonis, Marshall Jefferson, Robert Owens et Liz Torres, vinrent se produire pour la première fois en Europe. On était alors très loin des live house tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Les musiciens se contentaient de laisser tourner une bande instrumentale et chantaient ou parlaient par-dessus. Ce vendredi soir, la Hacienda affichait complet, et sur le millier de clients qui s'entassaient dans son ventre, très peu étaient blancs. Il était désormais de bon ton d'assurer son jacking, et je me souviens avoir passé la nuit entière sur le dance floor à essayer d'imiter les danseurs dans une atmosphère électrique. Un DJ de Détroit vint ensuite jouer à Manchester, Derrick May, l'un des créateurs d'un son nouveau baptisé techno, une musique plus dure, futuriste et mélancolique que la house. Derrick avait déjà une réputation de sorcier des platines. Sa créativité et son énergie furent pour moi un révélateur. Quelques mois plus tard, il deviendrait une des figures de proue de la techno à travers son label Transmat et changerait la donne en un titre, le futur classique Strings of Life. Derrick May était venu jouer aux Legends, un minuscule club de Manchester. On pouvait voir le jeune DJ danser et faire des bonds derrière ses platines, tandis que la clientèle à large dominante jamaïcaine faisait régner le jacking en maître sur la piste de danse. Chat Noir Productions. Puis la house toucha progressivement un public plus large. La demande allait croissant et pour y répondre, près de 200 imports atterrirent dans les bacs de Spinin et Eastern Block, les premiers disquaires à proposer de la house à Manchester. Les DJ en jouèrent dans les clubs et les radios se mirent toutes à produire des émissions dédiées à la house de Chicago. Stu Allen, l'un des meilleurs DJ radio de la ville, alla jusqu'à modifier son show hip-hop pour laisser une plus grande place au titre de Chicago. Une vanne était ouverte. Dans une certaine confusion, des disques furent bientôt importés par carton entier de Chicago. C'était pour certains des pressages datant de plusieurs années que les labels n'avaient jamais imaginé vendre en Europe et qui devaient croupir dans une remise quelconque avant que le bruit ne se répande que « Man, in England, they say they really like the house music thing ». Une page de musique de qualité et d'une grande sincérité était en train de s'écrire. Je devins un habitué de la Hacienda et ma chance fut de rencontrer Danny Jacobs. Il était l'éclairagiste du club. On sympathisa et je l'inondais de cassettes mixées dans l'espoir qu'un jour, elle tombe entre les mains de Paul Kantz, responsable de la programmation et concepteur des soirées de la Hacienda. Paul n'était pas un spécialiste de la musique, mais il connaissait très bien le monde de la nuit et savait comment le séduire. J'avais par ailleurs gardé contact avec un fou de musique, faisant partie de mon cercle d'amis londoniens, Bob. Décidé à construire une soirée à Manchester, je lui proposais de venir y passer un week-end. On dénicha le Swinging Sporran, un petit pub du centre tenu par des gens ouverts, qui nous laissèrent carte blanche pourvu qu'on ramène des clients. Ce premier coup d'essai, baptisé Repent, ne connut qu'une seule édition, un fantastique naufrage. Mais parmi les rares clients venus nous écouter se trouvaient Danny et Paul Kantz. Je remis une cassette de mix à Danny, qui la glissa à l'intéressé, puis je partis en vacances et oubliai. Deux semaines s'écoulèrent. Lorsque je rentrais chez moi, le répondeur téléphonique était saturé de messages de Danny qui passaient progressivement de l'appel courtois à une surenchère d'injures autour du thème « Call me back ». Je m'exécutais. À la clé, un rendez-vous le lendemain avec Paul Kantz. L'entretien fut expéditif. Paul Kantz m'expliqua qu'il voulait monter une soirée hebdomadaire pour attirer une clientèle branchée, qu'il y aurait des happenings décalés donnés par des comédiens du nord de l'Angleterre et une programmation musicale caliente. Il cherchait un DJ. Il m'apprit aussi que nous étions 5 candidats. Chacun devait proposer une cassette mixée. Je m'enfermais dans ma chambre plusieurs jours d'affilée, armé de chocolat et d'eau minérale, et en ressortis avec une cassette chrome de 90 minutes, débordant d'une sélection farouchement funky. La cassette fut envoyée, l'attente parut exagérément longue, puis le téléphone sonna, porteur d'une bonne nouvelle. « Froggy Boy, ici Paul Kantz, tu veux toujours le job ?» Double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double the night, the king of beasts relaxes after having a bite to eat. A tiger roars as the moon hits his sight in the city. A kid tries to fly a kite. There's no pity in the dark without no light. The sun goes down, you better be homewards bound. Slithering through the grass, gazelles hopping past, monks and chimps trying to see who has. But home, you better get too fast. Scream in the air, where's my baby? People flying everywhere, bodies in the street. Police start to beat, it's not an easy feat. In the jungle or in the city, you better be home before the sun goes down. There's no pity, be wise or witty. In a world of despair, paradox between jungle and city. La soirée fut programmée le mercredi et baptisée Zumbar. J'en devins DJ résident sous le nom de DJ Pedro, histoire de coller au concept Caliente, en duo avec DJ José. La première édition eut lieu le mercredi 7 octobre 1987, sous l'œil d'une énorme tête de taureau suspendue au-dessus du dance floor. Le but de Paul Kantz était clair, toucher et fidéliser un public trendy avec une soirée décadente. Les indications pour la musique étaient souples. On pouvait flirter avec le kitsch et le pointu pourvu que soit conservée une certaine exigence musicale. Pour un gamin comme moi, le premier set dans un club comme l'Hacienda, c'était le sommet de l'angoisse. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'étais dans un état de nerfs proprement terrifiant. Je me présentais à l'Hacienda à l'ouverture des portes, livide. Toute l'équipe vint me soutenir. Intimidé, je pénétrais dans la cabine DJ et découvris deux platines Technics MK2 SL1200. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Le pitch permettant d'accélérer la vitesse du disque, je n'avais jamais essayé. Coincé là-haut, dernière crise de trac. Impossible de détourner mon regard des danseurs qui gesticulaient à mes pieds. Impossible aussi de remettre la main sur les disques, pourtant à plusieurs reprises soigneusement sélectionnés, préparés et réécoutés. Enfin, je me lançais et le track fit place à l'euphorie. Au milieu de la soirée, je lâchais le hit, un tube annonciateur malgré lui des mutations musicales en cours. Pump Up the Volume de Mars. Mars est un projet composé de Dave Dorrell, Martin Young, Colorbox, et du DJ CG McIntosh. Leur imparable single Pump Up the Volume emprunte à la fois aux innovations initiées par le sample, à la house pour l'omniprésence du rythme, et à la pop par le gimmick entêtant scandant Brothers and Sisters, Pump Up the Volume, you're gonna get yours. On reconnaît ce son spécifique de l'outil essentiel à la conception primitive de la house, le sampler Akai S1000. 100% English touch, pop et dance floor. Le recul nous permet aujourd'hui d'appréhender Pump Up the Volume autrement que comme un pur objet de danse. Ce single est la synthèse parfaite de ce que pouvaient proposer les clubs anglais à la fin des années 80. Mêlant dans un même titre des samples d'Ofra Haza, Criminal Element Orchestra, Put the Needle on Record, Public Enemy, You're Gonna Get Yours, James Brown, etc. Pump Up the Volume entra number one dans les charts anglais en septembre 87. C'était le genre de titre qu'on pouvait jouer plusieurs fois dans une nuit sans lasser le public. Malgré la somme d'angoisse que représenta ce coup d'essai, la première édition de Zumbar fut pour moi un moment magique et pour Paul Counts un succès absolu. Mais comme tout ce qu'il touchait se transformait immédiatement en or, personne ne perdit trop de temps en louanges. When the drum beats go like this. volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. Le Chat Noir Production. Cette période est pour moi déterminante. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement commencé à basculer dans la musique. Tous les autres pans de ma vie se disloquaient. Séparé de ma fiancée, j'avais quitté le restaurant de sa sœur pour un autre, situé à 60 km de Manchester. J'ai travaillé 15 heures par jour, 5 jours par semaine, enchaînant Zumbar le mercredi et sortant le reste du temps. Le Mud Club m'avait manqué, mais à travers l'Hacienda, j'avais trouvé une nouvelle maison. À cette époque, personne ne pouvait imaginer faire une carrière de DJ. Et seuls Mike Pickering, Dave Aslam et Graham Park, considérés comme des demi-dieux dans le nord de l'Angleterre, parvenaient à vivre de leur art. Tous les DJ que je connaissais conservaient un travail alimentaire. Mais j'étais habité par un désir obsessionnel, devenir DJ. Non pas en dilettante, même si je mettais dans un bar tout le sérieux et la passion dont j'étais capable. Je voulais vivre de ce métier. Le mouvement naturel des soirées qui s'enchaînaient, des amitiés, parfois relatives, mais c'est le jeu qui se nouait, m'intégrait totalement à la nuit et à Manchester. Alors, sous cet angle-là, oui, ça a été facile d'avancer vers ce que je voulais. Je pensais vraiment, sans une once de doute, que je réaliserais mon désir. Jusqu'au premier mois de 88, la house et la techno étaient encore restées une curiosité pour l'essentiel du public blanc. Mais lorsque ce public manifesta son intérêt pour la house, il le fit en grand. Ce fut un véritable cyclone, qui dut beaucoup à un autre moteur, psychotrope celui-là, l'arrivée massive de l'ecstasy en Angleterre. Yeah. And it's gonna be alright. Noir Production. Une arrivée curieusement coordonnée à la fin du printemps 88 avec celle de l'Acid House, première subdivision de la House Music, caractérisée par l'utilisation d'une Roland TB-303, boîtier électronique générateur de basses acidifiées. Les premières productions des maîtres du genre, Acid Tracks de DJ Pierre et I've Lost Control de Sleazy D, contenait encore quelques échantillons de voix, mais le tout instrumental allait largement s'imposer. En 3 semaines, le mot Acid House devint la nouvelle bannière sous laquelle toute la jeunesse du Nord anglais se regroupa. Le rare groove et la soul étaient soudain devenus lents, vieux, poussiéreux. Et des classiques inaltérables, comme Cross the Tracks de Maceo Parker, pourtant joué depuis plusieurs années, n'avaient soudain plus leur place. Dès les mois d'avril-mai 1988, les premières compilations siglées Acid House des labels Trax et Jerkin Records atterrirent dans les bacs des disquaires d'Oldham Street. Là, tout bascula. La jeunesse middle class blanche arriva en masse dans les soirées house de l'Hacienda et cette déferlante marqua la fin des soirées dominées par une clientèle black avec ses danses et ses codes. En une poignée de semaines, plus de traces du jacking sur le dance floor de l'Hacienda. Le public, gavé d'extase, se contentait de danser les bras en l'air en hurlant à la mort. Un véritable raz-de-marée de vêtements larges et de t-shirts à sigles, marque d'un style naissant baptisé Scully, littéralement débraillé, négligé, s'abattit sur Manchester. Scully allait d'ailleurs devenir le qualificatif de référence de la jeunesse mancunienne. Un mot utilisé pour qualifier aussi bien une mode, clairement influencée par les hippies, qu'un style de vie ou un genre musical. Tout un commerce de t-shirts à slogan fit son apparition. Des t-shirts proclamant « Born in the North »,« Raised in the North », »,« Die in the North », ou alors « Jesus had long hair ». La jeunesse du Nord à forte dominante étudiante, et en général issue de milieux ouvriers, voyait dans ces t-shirts bon marché une façon de se créer une identité insolente et de se démarquer avec humour. Et ce n'est en rien un hasard si le t-shirt devint l'étendard, voire l'uniforme de la jeunesse du Summer of Love de l'été 88. Manchester et sa région concentraient l'essentiel des industries de textile du Nord anglais. Des bobs étaient vissés sur toutes les têtes des scolies à cheveux longs, les plus radicaux, trimballant des bananes en plastique gonflables sous le bras qu'ils s'envoyaient pendant les soirées ou lors des matchs de football. L'ecstasy balaya tout sur son passage. Son arrivée à Manchester fut fracassante, abattant toutes les barrières sociales. Tandis que Manchester traînait depuis ses origines une réputation de violence, cette drogue fit vivre à plusieurs milliers de danseurs, dans les murs de l'Hacienda comme au beau milieu de la campagne anglaise, une expérience collective dont l'écho nous parvient toujours aujourd'hui comme porteur d'une denrée rare, de magie, d'unité et d'énergie. Avec l'arrivée de l'ecstasy, le langage s'enrichit de nouvelles expressions, et dans le fier nord anglais on déclarait alors « I'm cabbaged », littéralement « j'ai plus rien dans le chou », ou sa variante léthargique « I'm shedded », un shed étant un cabanon de jardin, pour signifier qu'on se trouvait dans un état de défonce avancée. On pouvait aussi entendre « Top one, nice one, get sorted, c'est cool, c'est top, prends ton extra ». Les premiers effets extérieurs de l'ecstasy se traduisirent par une soudaine absence de violence dans les stades de football. Les supporters se gavaient de pilules et plutôt que de se taper sur la gueule, ils s'étreignaient les uns les autres et se couvraient de baisers pendant les matchs. Et tandis que la presse nationale anglaise s'interrogeait sur le brusque reversement d'attitude dans ces stades, jadis pollués par le hooliganisme, à l'Hacienda, épicentre du phénomène dans le Nord, les soirées se transformaient en gigantesques pétages de plomb. Les portes de l'Hacienda s'ouvraient à 21h et vers 22h, plus de 1500 personnes attendaient fébrilement à la porte. Face au panneau précisant, admission, 1,50 avant 23h, 2,50 après. À 23h, le lieu était saturé. À 23h15, le public était torse nu. À minuit, la chaleur se faisait condensation et les premières gouttes d'une pluie tiède et salée tombaient sur le dance floor. Toute soirée en Angleterre a son propre cérémonial et l'Hacienda avait bien sûr le sien. Durant les 20 dernières minutes, le DJ ne jouait plus que des classiques. On pouvait alors sentir une montée vertigineuse de la tension jusqu'à une sorte d'apothéose. Lorsque la musique s'arrêtait à 2h05, le public se sentait frustré. De cette frustration naissait l'envie de vivre pleinement les ultimes minutes qui leur restaient. Là, on pouvait toucher du doigt quelque chose de très fort, de quasi religieux. C'était la messe. Chaque soirée tendait vers ce moment, vers le dernier disque, joué 5 minutes avant la fermeture de façon rituelle et annoncé par un silence « Someday » de Cissy Rogers. Et en tant que danseur, je peux vous certifier qu'en cet instant, le club entier atteignait un sommet de plaisir proche de l'orgasme. Oh, Le Chat Noir Production. Lorsque 2h du matin sonnait, en accord avec la très stricte législation en vigueur, nous avions obligation de couper la musique. Les lumières de la hacienda se rallumaient. Consternation. Depuis les hauteurs de la cabine DJ, on pouvait entendre des mugissements, ceux des danseurs plaqués au sol en plein élan. Mais c'est précisément la fermeture obligatoire des clubs à 2h du matin qui rendit la nuit anglaise si mythique. Une alternative s'imposa naturellement dans une clandestinité relative. Les warehouse parties, soirées improvisées organisées avec un sens aigu du système D dans des appartements ou des entrepôts de la périphérie se mirent en place. Tous les styles musicaux étaient à l'honneur, reggae, house, électro, hip-hop. La clientèle brassée black et blanc, branchés, scolis et étudiants, tous réunis par une même quête, la fête qui les mènerait jusqu'au matin. Cet esprit propre au warehouse party qui consistait à détourner un endroit et à en prendre le contrôle durant plusieurs dizaines d'heures dans l'anarchie et la bonne humeur, donnerait quelques mois plus tard naissance au rave party. Le sud de l'Angleterre ne fut pas touché de la même manière que le nord par la house music, mais celle-ci trouva également en Londres un terrain fertile et s'y développa dans l'underground jusqu'à son explosion lors du premier Summer of Love de 1988. Le DJ et promoteur Nicky Holloway organisait depuis 1984 des voyages pour Ibiza, où des centaines de kids anglais partaient vivre l'île de la fête. En 1987, tandis que la House de Chicago faisait son apparition sur les labels Trax Records et DJ International, plusieurs membres de ces délégations de fêtards revinrent à les poches chargées d'ecstasy. Associés aux DJ Danny Rampling et Paul Oakenfold, Holloway organisa les premières soirées house londoniennes au Waterman Art Center, à deux pas de l'aéroport international d'Heathrow. Puis, à l'initiative de Rampling, l'équipe dynamita les codes du clubbing londonien en montant Shoom, la soirée emblématique et extrême de la déferlante House de Londres. De nouveaux promoteurs surgirent en 1988, donnant lieu à d'autres rendez-vous House, Westworld, Delirium, Spectrum. Les radios pirates londoniennes firent également beaucoup pour l'avènement de la House. Baromètre et centre névralgique des nouvelles tendances musicales, l'impact des radios pirates sur la culture club est décisif. Par le biais, entre autres, de Kiss FM, station pirate créée par les DJ Gordon Mack et Norman Jay en 1985, la house fut propulsée par les DJ résidents Judge Jules ou Paul Trouble Anderson. Le mouvement house possédait des racines solides dans toute l'Angleterre. Il avait ses clubs, ses DJ, sa musique, ses émissions radio et s'apprêtait à vivre son premier Summer of Love. Le 21 mai 1988, à l'aube de ce premier Summer of Love, la Hacienda célébrait son 6e anniversaire. Pour l'occasion, un gigantesque train fantôme fut installé aux abords du club. Je fêtais mon année de résidence à Zumbar et fus invité à jouer, ce qui valait pour billet d'adoption définitif dans la famille. À minuit, alors que Mike Pickering était aux platines, un gigantesque feu d'artifice éclata à l'intérieur même du club. Puis Graham Park lui succéda. Graham, depuis plusieurs années, figure incontournable de Nottingham, l'autre bastion du nord de l'Angleterre, était l'un des DJ en titre de la Hacienda. Physique atypique, crâne dégarni, petites lunettes, Graham Park est l'un des très grands DJ de l'Angleterre des années 90. Un DJ stupéfiant, autant par la qualité de son mix et de ses choix, que par le calme inébranlable dont il savait faire preuve en toutes circonstances. Lors d'une soirée bien arrosée, je me souviens l'avoir vu mettre la touche finale au mix parfait de deux titres et enlever par erreur l'aiguille du disque qu'il avait enchaîné. Silence tout autour. Il regarda le public, imperturbable, reposa l'aiguille sur le disque, fit un scratch et relança le titre en levant le bras en l'air. Explosion de joie dans le club. Ce soir-là, pour les 6 ans de la Hacienda, Graham Park offrit un set ébouriffant. Et lorsqu'à 2h, les lumières du club se rallumèrent, que la musique se tut, un grondement sourd semblant sortir des entrailles de la terre se fit entendre. Les mugissements d'un millier de danseurs en transe. L'Angleterre entrait dans son premier Summer of Love. Le Chat Noir Production. Mais un coup de téléphone allait brutalement mettre fin à cette échappée de bonheur et orienter de façon décisive ma vie et ma carrière. Un jour ordinaire où j'étais en plein service au restaurant, ma mère m'appela pour m'annoncer que mon service militaire débutait à Paris le 1er août. Je n'avais jamais répondu à leur courrier, j'étais convoqué, impossible de reculer. Un monde s'écroulait. Le service militaire, fuck ! Juillet 88, après 10 mois d'existence, Zumbar donnait sa dernière danse. Pour l'occasion, la Hacienda recevait le très tendance magazine anglais ID et le DJ Mark Moore. Mark Moore, le sorcier du Mud Club de Londres, le premier DJ duquel j'ai été fan. Un artiste à qui je devais, durant ma vie londonienne, de m'avoir fait découvrir des tranches entières de musique jusque-là inconnues. Mark Moore, aux côtés de qui je jouais ce soir-là. Sa venue était d'ailleurs un événement local exceptionnel. Pas pour le talent de l'homme, qui n'était plus à démontrer, ni pour la venue d'un DJ de très haute volée dans l'enceinte de la ville. C'était finalement coutumier, mais tout simplement parce qu'il était rarissime, voire exceptionnel qu'à l'époque, un DJ londonien soit invité à Manchester. Cette dernière Zumbar fut un succès, et au cours de la soirée, Mark Moore me dit que dans un peu plus de 2 mois, il jouerait à Paris au Palace, invité d'honneur d'un sound system londonien qui organiserait désormais des soirées baptisées Pyramide. J'allais lui demander d'avoir la gentillesse de mettre mon nom sur la liste des invités lorsqu'il me lança. « Il faut que tu viennes mettre des disques !» Le mercredi suivant, la première édition de Hot, nouveau concept de Paul Counts, reçut un accueil phénoménal à la mesure de la fièvre qui s'emparait de Manchester. Le Summer of Love explosa tout autour de nous et je me nourris de cette vibration en me disant que j'emporterais ça au moins. Mais tout s'enchaînait trop vite pour prendre le temps de se lamenter. Après la 3e édition de Hot, j'organisais mon départ en catastrophe, tandis que le vent ramenait jusque dans ma maison de banlieue où j'empaquetais mes affaires, la prodigieuse bouffée de bonheur qui unissait Manchester. Et pour me consoler peut-être, mais aussi parce que je pressentais que mes économies me serviraient peu au régiment de marche de Tchad de Montlhéry, je m'offris mes premières platines Technics MK2. Ces platines, mes disques, 20 cassettes de mix et mon t-shirt Acid Trax constitueraient mon unique trésor à mon retour en France fin juillet 88. Le Chat Noir Production. Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc.